Bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Au fond, près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30. Et on est, paraît-il, rediffusé le vendredi de 7h à 8h30, une chose comme ça. Peut-être que je me suis encore planté, mais ce n'est pas très grave. On a, paraît-il, un Facebook, non, c'est sûr. Vous pouvez taper au fond près du radiateur et vous allez avoir nos anciennes émissions. Et le site internet. Et le site internet aussi. Donc on aimerait bien des fois avoir des retours et voilà. Alors ce soir, c'est une émission un peu chargée, voilà. Donc on va avoir déjà... présenter sur le tableau le collègue camarade Mustapha, voilà. On a Yannou à la technique aussi. Voilà. Salut. Voilà. Mordia, autant voilà. Pour moi, au sein du ministère du Travail, qui a quelques problèmes au niveau de la discrimination sur ses droits de grève et autres. Voilà. Et on a deux interventions par téléphone qui vont se faire. Une de Inès, qui parlera de la manifestation qui a lieu par rapport à la MAF à Fleury-Mérogis, la mise en place du système Genesis, et une autre de Joris de Marseille, qui va nous parler des événements qui sont passés le 1er mai au niveau des violences policières et autres. Et du coup, le monsieur qui va se présenter... Monsieur Scam Léon, voilà, qui va parler de la soirée Africa Hello, qui aura lieu jeudi soir dans le 11e au Melting Club. Voilà. Alors, pour commencer, moi, ce que je propose, c'est quand même faire une petite pause, un peu de musique. On revient et on va commencer par de la musique. Merci. Escaping the new shit, we bring it to you. Be hitting in your city for sure. I'm lyrical, but pity the fool. Be in your city with two video bitches with dope. Smoking in infinity coupes. A lot of haters in the game tried to front on my work. But now them niggas ride the dick, rocking Planet Asia t-shirts. Tailor made by Lifted Research. And if you ain't .com, then niggas ski skirt till your feet hurt. Cheddar scheming for this fettuccine got me steady eating. Rolling up the finest weed, partying every motherfucking weekend, nigga. Schoolyard, we all official. My autumn issues is a part of tradition. Started from Frank H. Fuck on the benches. I remember when I couldn't put five on the sack. Out for the stack. Real niggas make shit crack. Where we at? In the studio somewhere writing rap. So once we strike, it ain't the way that y'all niggas can fight back. You know you like that. Don't fight that. We make you get a mic back. So pass that. Cause all you get is feedback. While we blow like a weed sack. And there's no way for you to ever fight back. It ain't no contest. It's SOS. Screaming for help. My brigade, make it back, got this slap for yourself. In a black, gray Cadillac, rap to myself. Block bundles of pop, plush, pussy, pretty as perfume like paradise. Prince Low drinking in a jacuzzi room just because the chicken heard the black gold coming soon, yo. We manifest the ultimate West, represent star shit. At the club with bouncers on the 3D. We putting the orangutan neck, niggas to sleep. Victory so sweet, my marijuana motioning. I'm feeling 8 feet, invincible with concrete skin. Oh, Jim, man, I'm oui, bonsoir Inès. Ouais. Pour présenter aux auditeurs en fait, qui nous écoutent, Inès, tu es sur un collectif qui organise une manif samedi par rapport à la mise en place du système Genesis de la voilà, MAF, la maison d'arrêt pour femmes qui est à Fleury-Mérogis, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, en fait, samedi 7 mai, on organise un rassemblement à 13h devant la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'explique un petit peu le contexte, la situation. Oui, bien sûr. Alors en fait, tout a commencé plus ou moins le 3 avril, donc c'était un dimanche. En fait, la direction préparait déjà depuis quelques temps la mise en place d'un nouveau logiciel donc, qui s'appelle Genesis à l'intérieur de la prison. En fait, ce logiciel, c'est un logiciel de contrôle des détenus, qui est un logiciel national. Et du coup, sa mise en application, enfin en profitant de sa mise en application, ils font en sorte de modifier les conditions de détention à l'intérieur. Donc, en gros, suppression d'heures et de temps de promenade. Donc là, jusqu'à présent, il y avait deux promenades par jour, une l'après-midi, une le matin, de 3 heures. Et donc là, en gros, ils veulent ne faire qu'une seule promenade unique par jour, alterner en fonction des jours pairs et impairs, donc un jour le matin et un jour l'après-midi, et de la raccourcir à 2 heures. Donc ça fait Ça, c'est une des premières mesures, un des premiers changements qu'ils voulaient imposer. Le deuxième changement, c'était une restriction de l'accès à la salle de sport. Donc la salle de sport, en gros, jusqu'à présent, les détenus, elles peuvent y accéder en semaine, le matin et l'après-midi, prévenus et condamnés. Et là, ils veulent donc séparer prévenus et condamnés et donc réduire restreindre l'accès quoi, pour les prisonnières. Donc ce truc-là, il n'a pas encore été mis en place parce que je pense qu'ils avaient un peu la pression et par les détenus. Et troisième chose, ils ont supprimé des jours de parloir. Donc en l'occurrence, les parloirs du mardi et du vendredi. Donc il reste le samedi, lundi et mercredi. Et donc voilà, ça c'est des mesures qui allaient directement les impacter. Donc comme elles étaient au courant, à partir du dimanche 3 avril, en fait, elles ont initié un blocage de la cour de promenade. Tu me dis si je vais trop vite. Non, t'inquiète. Mais juste pour rappeler aux gens, en fait, une maison d'arrêt, c'est un endroit où tu as des gens qui sont condamnés à des courtes peines, incarcérés. Et tu as aussi ce que tu disais tout à l'heure, des prévenus, donc des gens en attente d'un jugement. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, maison d'arrêt, effectivement, c'est pour les courtes peines. Généralement, c'est des détenus qui peuvent être enfermés jusqu'à 2 ans, jusqu'à des peines de 2 ans. Au-delà, théoriquement, ils seront censés être envoyés dans des centres de détention. Voilà. Donc, la MAF fait partie aussi d'un immense complexe où tu as la maison d'arrêt traditionnelle, des 4, des 5, tout ça. Tu as aussi le centre de jeunes détenus et tu as la MAF qui est à côté. Fleury-Bérengis, en fait, c'est un gros complexe carcéral dans la banlieue sud, en Essonne. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est une des plus grandes prisons d'Europe avec je sais pas combien de milliers de détenus. Et il faut savoir qu'il y a une particularité aussi, c'est que c'est la seule maison d'arrêt pour femmes. Autonome, c'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, les femmes, elles sont dans des quartiers, dans des espèces de quartiers à l'intérieur des maisons d'arrêt pour hommes. Et donc là, c'est le seul endroit, c'est la seule maison d'arrêt, avec celle de Versailles, mais bon, maison d'arrêt de Versailles, qui est une toute petite maison d'arrêt où il n'y a que des femmes, mais c'est tout petit. Et là, donc Fleury-Mérogis, c'est une maison d'arrêt pour femmes qui fait qu'il y a un complexe sportif, par exemple, uniquement pour les femmes. Enfin, je veux dire, il y a des parloirs que pour les femmes. Enfin, voilà quoi. Tout est en autonomie par rapport à la maison d'arrêt des hommes. Et je précise ça parce qu'en fait, c'est important parce que dans la plupart, généralement, les femmes, il n'y a pas de salle de sport pour les femmes emprisonnées, quoi. Ou alors, c'est une petite salle de 25 mètres carrés avec des machines de musculation, je sais pas quoi, mais en fait... Du coup, à l'annonce en fait, de la mise en place du logiciel et des restrictions de promenade et d'accès à la salle de sport et autres, j'imagine qu'elles sont organisées pour pouvoir bloquer la cour de promenade et qu'elles s'organisent elles-mêmes entre elles. Mais est-ce par exemple, au niveau des hommes, est-ce qu'il y a la même mise en place et les mêmes restrictions ou pas du tout? Ou c'est juste spécifique à la maison d'arrêt des femmes? Et déjà, c'est compliqué de mettre tout sur le même plan parce que les hommes, ils sont 10 fois plus nombreux. Donc, ça implique pas la même logistique, quoi, à l'intérieur de la prison. Ça, d'une part. Et après, d'autre part, effectivement, je pense que du côté des hommes, en fait, depuis quelques années, ils ont réformé certains quartiers hommes et profitant des travaux qu'il y a eu quand ils ont rouvert les quartiers. Ils ont directement imposé un système plus restrictif, quoi. Et donc, je ne sais pas trop comment ça se passe du côté des hommes, mais a priori, il y en a déjà qui sont sur un régime déjà hyper disciplinaire, hein, comme ce qui pourrait éventuellement attendre les femmes, là, si ça ne bouge pas, quoi. Mais j'en sais pas plus, en fait. D'accord. Et du coup, les revendications, en fait, que portent les femmes qui ont bloqué la promenade et tout ça, elle porte sur quoi essentiellement? Sur le retour aux heures de promenade normales ou c'est plus élargi que ça en fait? Ça va plus profond? Après c'est une question de rapport de force. Le problème c'est que le rapport de force il est plutôt en leur défaveur. C'est compliqué parce que l'administration pénitentiaire, bon, elle a exercé pas mal de menaces sur les femmes mobilisées. Et ces menaces, elles font leur effet, quoi. Et en plus, effectivement, ils peuvent les mettre à exécution. Et ils ont déjà commencé à les mettre à exécution. Mais du coup, elles se portent essentiellement sur l'accès à la cour de promenade. En gros, c'est que les promenades soient restées sur un système de 2 promenades par jour, soit que ce soit le week-end où il y ait des promenades plus longues et qu'il y ait 2 promenades par jour. Voilà, c'est pas encore c'est en discussion, quoi. Ok. Du coup, en fait, pour moi, c'est assez clair. J'imagine qu'il y a le collectif où je ne sais pas si elles ont la possibilité d'avoir un accès à Internet et de faire des choses sur Internet ou pas. J'imagine qu'il y a une page ou un site ou quelque chose où on peut avoir des infos et s'informer au jour le jour de l'évolution de la situation ou pas. Non, elles n'ont pas du tout accès à Internet. Internet, c'est interdit en prison. Les téléphones sont interdits. D'ailleurs, depuis qu'ils ont gagné du temps là, parce qu'ils ont commencé à mettre en place ces nouvelles mesures là à l'intérieur de la détention, et depuis qu'ils ont mis en place ces mesures, ils ont gagné du temps vu qu'ils ont moins de mouvements, moins de déplacements à faire. Enfin, les surveillants, les matons là, ils ont moins, vu qu'il y a moins de promenades. Bon, bah, en gros, ils ont moins de taf. Du coup, ils se sont mis à fouiller les cellules, par exemple, notamment. Et donc voilà, il y a des fouilles de cellules tous les jours. Et donc, ils cherchent quoi? Les téléphones portables, ils cherchent le shit, tout ce qui peut permettre de t'évader un petit peu à l'intérieur des quatre murs, quoi. Et auxquels les détenus n'ont pas accès. Donc, à Internet, évidemment, ils n'y ont pas accès. Donc, c'est difficile d'avoir des nouvelles au jour le jour. On essaye quand même de rester en contact, parce qu'il y a des parloirs, il y a quand même un peu de contact avec l'extérieur, il y a toujours les... Enfin, voilà, quoi. Le moyen de se tenir au courant et de se solidariser, c'est donc d'aller devant la maison d'arrêt et de se faire entendre de l'extérieur et de créer des liens entre dedans et dehors, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah, en gros, c'est ça. C'est de venir au rassemblement samedi. Après, il y a les infos qui sont relayées sur Paris Info et sur l'Envolée aussi, sur les sites de l'Envolée, ouais, voilà. Et puis pour le moment c'est ça, et il y a 2 lettres qui ont été écrites par des prisonnières à l'intérieur, et où elles appellent également à écrire au directeur de la maison d'arrêt des femmes pour protester et pour soutenir leur lutte quoi. Donc pour protester contre les conditions qu'ils veulent imposer à l'intérieur de la prison des femmes. Et donc il y a elles ont rédigé un petit paragraphe pour les gens qui voudraient envoyer ce courrier au directeur. On peut le retrouver donc sur Paris Info ou sur Envolée, comme j'ai dit. Les 2 lettres, elles sont répertoriées sur ces sites. Voilà, il faut juste taper « Femmes en lutte »,« Maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis », et on trouve ça assez facilement. Donc voilà, elles invitent à appeler, à envoyer des fax, des courriers, et puis à venir au rassemblement du coup samedi 13h. Ok, bah du coup, si tu peux donner l'info en entier sur le rassemblement, genre le lieu de rendez-vous et l'heure et... Ouais, alors en fait, c'est compliqué parce qu'il y a, alors il y a un rendez-vous pour un départ groupé ou en covoiturage à Porte d'Orléans. Le samedi à 12h45. Voilà. Alors, en gros, c'est des gens qui ont des voitures. L'idée, c'est de venir avec des voitures pour partir en covoiturage. Le rendez-vous exactement Porte d'Orléans, c'est au croisement de la rue Réel et Légion étrangère. Voilà, avenue de la Légion étrangère. Il y a des arrêts de bus là. Donc, le rendez-vous, il est là. Et l'idée, c'est de se répartir dans les voitures. Et si on n'a plus de place dans les voitures, c'est de prendre le bus qui va à Fleury-Mérogis. C'est le bus 109 qui part à 12h20 et l'arrêt est juste en face, mais plutôt du côté de l'avenue de la Porte d'Orléans. Donc voilà, donc soit 11h45, voilà, soit 12h20 directement au bus pour partir, en sachant qu'il y a un bus toutes les heures, donc faut pas le louper. Et sinon, il y a la possibilité d'y aller via le RER, puis en prenant un autre bus, soit au départ de Grigny, soit au départ de Juvisy. Mais j'ai pas les horaires précis, donc pareil, faut aller sur Internet pour voir ça. Grigny, c'est le plus pratique, il me semble, pour pouvoir prendre le bus jusqu'à Fleury. Bah, ça dépend de où chacun habite, quoi. Mais en sachant que, ouais, une fois qu'il est à Grigny, il faut prendre un bus. Dans tous les cas, il faut le seul moyen d'arriver à la maison d'arrêt, c'est de prendre un bus, quoi, au final. Ok, bah, merci beaucoup Inès pour toutes ces infos qu'on peut retrouver sur Paris Lutte Info et sur l'envolée, notamment l'adresse de Fleury Mérangis, en fait de la MAF de Fleury, et aussi le téléphone, j'imagine, le fax de l'administration pénitentiaire. Oui, bah désolé. Alors attends, moi non, je l'ai pas là en fait. Du coup, désolé. Du coup, on pourra toujours regarder sur Paris Lutte Info ou sur l'envolée sur Internet, on les trouve facilement en tapant les noms des sites. Voilà, tout à fait. Contaminés. Merci beaucoup Inès. Et soyons nombreux. On essaiera. Voilà. Merci. Hein. Merci à toi surtout. Bonne soirée. Question. Ouais, bonne soirée. Merci. Ciao. Ciao. Et vous, en tant que contrôleuse du travail, vous en pensez quoi de ce qui vient de se dire? Ouais. Eh ben, on en pense que, une fois de plus, c'est les femmes qui sont victimes. Et qui sont clairement discriminées, elles sont en prison. C'est ça, en fait, ce nouveau dispositif, si j'ai bien compris, hein, parce que, en fait, j'ai peur de ne pas avoir tout saisi, mais en gros, c'est ça, quoi. On leur réduit leur temps de liberté de promenade, on leur réduit l'accès à la salle de sport, c'est là où ils peuvent le plus se défouler, parce que les conditions, elles sont déjà dramatiques. Voilà. Et celles qui en pâtissent les premières, c'est les femmes. Et ce que j'en dis, c'est que, par contre, celles qui nous font la démonstration de courage, d'organisation et de lutte, c'est des femmes en prison. Donc ça, c'est dans le contexte actuel de démobilisation, en tout cas de mobilisation gentillette, franchement, c'est une sacrée leçon. Et je dis qu'il faut absolument les soutenir. Je dis qu'il faut buzzer à mort. Je dis qu'il faut faire des pétitions. Je dis qu'il faut appeler. Je dis qu'il faut communiquer et qu'il faut dénoncer ça, quoi. On ne peut pas mettre en prison des gens qui sont déjà en prison et impacter le peu de liberté qu'elles ont à l'intérieur d'une prison. Voilà. En fait, le système carcéral français, il est assez déplorable par rapport à même beaucoup de pays du monde. Et il y a une mais il est déplorable, mais en plus, il discrimine les hommes et les femmes, c'est-à-dire. Il y a une longue tradition de lutte, en fait. Et jusque dans le début des années 80, c'était assez dur d'être en prison. Tu étais enfermé dans une cage, tu n'avais pas le droit à la promenade, tu n'avais pas le droit à l'information, il y avait plein de droits. Tu as eu une espèce de, on va dire, d'assouplissement de tout ça qui s'est mis en place dans les années 80. Et depuis début 90, en fait, tu as une volonté de restreindre toutes ces libertés-là et tout ça, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Là, en l'occurrence, chez les femmes. Ouais, moi, je voulais juste, pour finir sur ce sujet-là, rappeler donc deux infos importantes. C'est les sites où vous pouvez retrouver un peu tout ce qui concerne ce dont on vient de parler. Donc il y a l'Envolée, l'envolée.net, et l'Envolée, c'est aussi une émission de radio qui est sur cette antenne, qui a lieu tous les vendredis de 19h à 20h30 en direct. C'est une émission anticarcérale qui fait le lien donc entre l'intérieur et l'extérieur des prisons, et c'est une des manières, justement, on parlait des téléphones portables, d'internet, la radio, c'est une des manières de communiquer entre l'intérieur et l'extérieur. Et un autre site où vous pouvez retrouver du coup les lettres des détenus qui ont été rendus publics, c'est paris-lutte.info. Voilà. Je peux aussi, si t'es d'accord, Mustapha, on peut passer un petit morceau de musique ou si... À part si Scam a quelque chose à dire par rapport à ce qui s'est dit. Non, moi je peux inviter qu'à soutenir tout ça. Hein. Je connais pas trop les associations là, que t'as citées et tout, mais voilà, je peux inviter inviter les gens à se renseigner là-dessus et à soutenir ces nanas-là qui sont en détresse, ouais. Et je crois le fait qu'elles soient déjà emprisonnées, ça veut pas dire qu'il faut encore les priver des libertés essentielles. Bankroll, the billion dollar dream is a dream of the cash flow. Little do they know they're a little or a big hoe, but they have a car they can side at the sideshow. I'm the type of brother that'll tell another hell no. To the seller strut, hacking rocks in a hell hole. Brother, you can slide, you can glide in your cool ride, but you're gonna drown in the high tide of genocide. Brothers give me five, but it's live job. can't understand that the hand's in a beehive. I'ma take a risk on the disc, take a big dive. Just to make it rhyme on time, I'll say overdrive. Miss them, I'm not with them, but they're victims. Cause they're just a part, not a start of the system. No hocus pocus, that's the focus of the song. Hope that you can learn this and one day sing along. A clearly cut case co-opted by the coup, and it's mosaic foul play against me and you. Sing it. And implicit are the exploits. I'm speaking of society that's living off me. No drops from coast to coast and into Detroit. No, I am a factor that they don't need. Cause labels are stable in this big world. Talking about sex, you're a boy or a girl. Talking about a con, you're the jerk of the jerker. Talking economics, you're the boss of the work. I must be involved. Right about now, I'm gonna change the flow. Going straight up like my new wave afro. I say it and they play it. Do you hear me though? You're guessing there's a lesson, but teach me, I wanna know. Conjunction junction was my function, connected with a genocidal pace of a race reduction. Funny there's no money for my people's production. The coup is not through, cause we got some gumption. A victim in a system about cold cash. If you don't make it, then they treat you like trash. Dispose of you tonight, if not in the morning. This is not a prophecy, this is just a warning. A clearly cut case co-opted by the coup and expose of foul play against me and you. Sing it. Hold up, we're about to let the DJ scratch you. Well, let him scratch. We've got it in the middle, darling. We've got it in the middle, darling. We've got it in the middle, darling. We've got it in the middle, darling. We've got it in the middle, darling. We've got it in the middle, darling. At times of all my mind can think fast, like when a pig has a trigger saying, nigga, that's your ass. Thoughts of a slave master rise from the past. The past is the present, cause I steal for the lash. It's against the law just to be black, cause the war on drugs are just thugs on the attack. The street is not the source, of course, so just get back. Why try and lie? I doubt that it's about crack. Brothers on the block making bankroll. Maybe could the dream be the dream of an overthrow? If so, no mo, we'll play the big toe. In a shooter's cramped soul with a rubber sole. Slip and stuck slowly to the same game. Several hundred years have we been in a chain game. Better shackles only add on to a mind frame. Cold fame, thoughts of pain slowly drive me insane. But then I started rapping for the coup. A lot of rappers out there just looking for the payoff. Listen to the message that the boots bring to you. The coup is just a group to bring order out of chaos. People pick problems out and isolate, misguiding many to think it's a mistake. Well, I'm the boots and I'm here to set them straight. My information leads me to think it's foul play. A clearly cut case co-opted by the coup and expose of foul play against me and you. Sing it. Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Comme tous les mardis soirs, 19-20h30, c'est l'émission Au fond, près du radiateur. On vient de s'écouter Full Play de The Coupe. C'était sur l'album Kill My Landlord. Et c'était donc Au fond, près du radiateur. Je te laisse la parole, Mustapha. C'est cool, merci. Du coup, on est toujours en plein loi El Khomri. Et à partir de ce soir, tu as des débats à l'Assemblée nationale pour le voter ou pas. On a deux contrôleuses du travail qui sont là et qui apparemment ont participé aux mouvements sociaux face à la loi El Khomri. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En ce moment, la loi El Khomri, on entend beaucoup parler pour sa loi, mais nous, on aimerait bien parler aussi d'autres choses qui se passent avec El Khomri et qui nous touchent pas mal et dont on entend un peu moins parler. Moi, c'était ça que ça m'inspirait un peu tout à l'heure, ce dont on discutait là, sur les prisons, le milieu carcéral et tout. On voit bien qu'il y a plusieurs mondes, quoi. Et en France, il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs, degrés d'exploitation, degrés d'injustice et tout ça. Nous, on en voit une partie, c'est vrai, avec les salariés, nous, dans notre travail. Et puis là, c'est beaucoup ce qui est discuté quoi, avec El Khomri, parce que c'est ça qui est visé à travers la réforme qu'ils veulent faire. Mais après, il y a d'autres mondes quoi, qui sont beaucoup moins visibles. Alors, tu as le monde carcéral, qu'on voyait, où il y a aussi parfois du travail salarié, puis il y a plein d'autres choses. Il y a beaucoup de travail salarié en prison, à savoir qu'en fait, en général, ils touchent dans les 150, 130 euros. Il travaille beaucoup aussi pour des grandes marques comme Lacoste et autres, à faire les échantillons ou ce genre de trucs. Ce qu'on appelle traditionnellement les sképars, en fait. Mm. Avec leur petite tenue bleue de travail à la chinoise, en fait. Le haut bleu, le bas bleu, avec les petits boutons comme ça. Puis, et puis dans les... Dans la hiérarchie là, des mondes de l'exploitation, y a la question des sans-papiers quoi, aussi. Et les sans-papiers, en fait, on n'en parle pas trop quoi, dans la loi El Khomri, et pour cause. Non. Parce qu'ils sont hors champ, en fait. Et pourtant, c'est des travailleurs, quoi, des travailleuses. Mmh. Et donc, nous, on s'est pas mal intéressés à ces luttes-là ces derniers temps. Et puis, ça nous semble intéressant aussi de montrer les liens qu'il peut y avoir avec ce qui se fait sur tous les salariés à travers la loi El Khomri, parce que c'est toujours un peu la même histoire hein, qu'il y a par derrière, c'est quel degré de pouvoir on laisse au patron, et c'est ça qui se joue, quoi. Et dans la loi El Khomri, c'est un peu ça qui se joue, quoi, où c'est qu'on met le curseur, et puis quel degré de protection on offre aux salariés. Et puis quel degré de protection on sera capable de défendre aussi quoi, à travers les luttes, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui joue en ce moment. Et après et au niveau des sans-papiers c'est exactement pareil, sauf que c'est à des niveaux largement au-delà quoi. Et que le degré d'exploitation et le pouvoir du patron il est carrément énorme, et ça c'est des mécanismes qu'on essaye de dénoncer un peu enfin, nous aussi, en tant que syndicalistes, dans nos fonctions et tout, et qui sommes confrontés en fait à la question de l'exploitation des salariés, quoi, directement dans nos fonctions. Et puis, en soutien des collectifs sans papier qui dénoncent le régime qu'ils subissent et les injustices qu'ils subissent et qui vont plutôt en s'aggravant, quoi. Oui, clairement. Ouais. En fait, loi El Khomri ou pas, déjà, on a assisté au niveau des contrôleurs du travail, des inspecteurs du travail, comme on les appelle traditionnellement, on a assisté à une fronte des effectifs depuis au moins 15-20 ans, beaucoup moins, alors que vous êtes énormément sollicité en général. Et du coup, la loi qui est proposée, c'est plutôt une loi très libérale, en fait, qui donne beaucoup de souplesse au patronat et très peu aux salariés. Mais en même temps, tu as aussi une autre dimension, qui n'est pas la dimension carcérale ou qui n'est pas la dimension des sans-papiers, mais tu as aussi les dimensions de ceux qui n'ont pas de travail, tout simplement, et auxquelles la loi El Khomri, elle n'apporte rien. Ni en plus, ni en moins, d'ailleurs. Ça va plaire ? Ouais. Bah, du coup, on va enchaîner plutôt avec Joris de Marseille, qui va nous appeler pour parler de ce qui s'est passé le 1er mai, et aussi de l'interdiction de la fête de la Sardinade, qui est une fête traditionnelle à Marseille. Et Marseille aussi, c'est une ville particulière, en fait, où souvent, quand il y a des manifestations ou des rassemblements ou autres, il y a une répression policière qui est assez violente par rapport aux autres villes. Du coup, on va... Joris ? Ouais. Tu m'entends ? Ouais, je suis là. Salut à toi. Ouais, salut. Donc, Joris, t'es de Marseille et tu fais partie de différents collectifs, j'imagine. T'as participé au 1er mai aussi ? Ouais. Et tu vas nous parler donc de ce qui s'est passé le 1er mai et aussi de l'interdiction de la fête de la Sardinade. Ouais, pas de souci, ouais. Tout à fait. Mais c'est dur de parler du 1er mai sans parler de ce qui s'est passé jeudi dernier, un petit peu. Mais peut-être que ça a déjà été évoqué, donc juste pour dire que c'était un peu dans la suite effectivement de cette grosse manif qui était partout assez énorme. J'ai l'impression des retours qu'on a eu de plein de villes en France en tout cas. Et du coup effectivement le 1er mai là il y a eu un petit climat assez délétère qui s'est installé dès le début du regroupement des gens sur traditionnellement c'est une manif comme dans toutes les villes quoi qui est un peu défilé syndical à ceci près que il y a Force Ouvrière qui a une place assez particulière à Marseille qui vient pas défiler avec les autres organisations qui préfèrent faire un meeting dans leur bourse du travail à eux. Voilà. Et du coup, les gens ont commencé à se regrouper sur le quai des Belges au Vieux-Port à 10h et quelques. C'était assez clairsemé. Le départ, c'était pour 10h30. Et puis, dès le départ, en fait, il y a eu des gens qui sont arrivés sur le Vieux-Port rapidement. et notamment un petit cortège de la CNT où il y a eu direct une intervention de policiers de la BAC là qui sont arrivés pour contrôler les sacs des gens, etc. Du coup, il y a eu une première interpellation sur le Vieux-Port là d'un camarade de la CNT qui a été il y a des fumigènes qui ont été retrouvés dans son sac. Donc voilà, il y a une sorte de version médiatico-policière qui dit que il y avait des fumigènes attachés à des boules de pétanque dans son sac, et en gros lui il s'est fait direct embarquer. Et ensuite, s'en est suivi la mise en place d'un barrage filtrant en bas de la Canebière, donc qui est la grosse artère qui descend sur le Vieux-Port. Et où effectivement, là, il y a eu fouille systématique de toutes les gueules qui leur revenaient pas, soit qui avaient été repérées le jeudi précédent, soit qui avaient les mauvais stickers. Enfin, on peut pas trop savoir, quoi. En tout cas, ça a posé un climat dès le départ de la manif, un peu comme dans toutes les villes. Je crois qu'il y a eu quelque chose de l'ordre du petit choc que ce premier mec est un peu un truc sanctuaire partout en France là. Tout d'un coup c'était en mode grosse stratégie de la tension et provocation, et donc il y a eu 5 personnes d'interpellées à ce moment là une qui a été relâchée assez vite, et 4 autres personnes, donc deux syndicalistes, un gars de Sud Éducation et un camarade de la CNT et 2 autres camarades avec moins d'étiquettes. Je précise, ça fait presque bizarre de préciser en fait, mais voilà. Grosso modo, et puis le défilé a eu lieu dans une ambiance assez particulière, avec une fin de manif assez rapide finalement. Enfin, le parcours est très très court, et puis surtout il a la caractéristique de passer vraiment par des endroits pas très fréquentés du centre-ville. Vous m'entendez toujours ? Ouais, t'inquiète, ouais. Même si on parle pas, c'est qu'on t'écoute, okay, attentivement. Il n'y a pas de souci, ouais. Et du coup, ça s'est terminé à la Joliette, pas loin de... vraiment dans cette zone qui est vraiment à cheval entre plusieurs étapes de la transformation de Marseille, on va dire, donc un endroit où ils ont construit plein de centres commerciaux, etc. Donc là, une énorme partie du cortège CGT s'est fait la malle. C'est une grosse dispersion avec quand même ce truc qui a subsisté de jeudi dernier, d'une sorte de rencontre, et c'est ça qui était plutôt joyeux et qui faisait qu'on était nombreux à tirer un bilan positif de la journée de jeudi dernier. C'est qu'il y a eu comme une sorte de rencontre qui s'était assez peu faite auparavant entre une sorte de coordination assez large qui comptait les assemblées de lutte auxquelles on est quelques-uns à participer, qui ont lieu 2 fois par semaine à Marseille, la CNT, toute la bande à Solidaire, la coordination intermittent et précaire. Donc voilà, ça fait pas un nombre considérable de gens, mais ça a été une coordination qui a réussi à poser une solidarité et une action commune jeudi dernier. Donc ils ont bien essayé de la noyer dans le déluge de feu et de sang qui selon eux a frappé Marseille ce jour-là. N'empêche que c'était quand même quelque chose de chouette de se retrouver autour de ça. Et là donc tout ce petit monde s'est retrouvé à la fin de la manif et a continué un peu en sauvage, mais assez tranquillement, avec beaucoup de flics postés sur la suite du parcours, pour aller jusqu'au commissariat de Noailles pour demander la libération des camarades qui avaient été arrêtés en début de manif, quoi. C'est vrai qu'il donne sur la Canebière et sur Noailles en même temps, en fait, sur un quartier populaire, ouais, et en même temps sur une avenue très... Ouais, c'est le nouveau vaisseau amiral là qui a été retapé. Moi, quand je suis arrivé à Marseille, ouais, il y a 3 ans, 3-4 ans, il était fini de rénover, et du coup c'est vraiment sur le bord de Noailles, et voilà, qui donne sur la Canebière, un commissariat tout rutilant, et du coup il y a eu rassemblement devant avec un truc qui a duré un petit peu longtemps, qui était assez étrange parce que je pense qu'il y avait à la fois pas mal de fatigue de la semaine qui s'était écoulée. À la fois beaucoup, pas mal d'événements qui se tenaient sur la plaine, du coup, dans à peu près juste après la manifestation. Traditionnellement, en fait, la partie un peu plus, on va dire, je sais pas, ouais, gauchiste de la manif. C'est pas terrible de réutiliser des mots comme ça pour s'autodéfinir, mais elle finit souvent à la plaine pour une sardinade un peu traditionnelle. Donc c'est là le lien avec ouais, ce que tu disais au début. Qui est traditionnellement organisé par le bar de la Plaine, qui est un bar ancienne sur la Plaine. Joris, tu peux nous expliquer vite fait c'est quoi la sardinade ? Alors la sardinade, ouais, c'est pas un truc très très sympa pour nos amis végétariens. C'est juste des barbecues avec des sardines qu'on fait griller, puis qu'on met dans du pain avec de la sauce, de l'aioli, et puis on vend ça pour, enfin les gens vendent ça pour pas très cher et bon, c'est un peu folklorique à Marseille, si tu veux, c'est plaisant parce qu'à la fois il y a ce truc de se retrouver sur la plaine et d'investir la place tous les ans comme ça, petit à petit ces dernières années, enfin moi je connais que depuis 3-4 ans là, mais c'est vrai qu'au début, pendant les deux premières années, il y avait que ça, donc c'est des bâches avec une ambiance un peu de bistrot marseillais où en gros ça boit des canons et puis on bouffe des sandwichs, ce qui en soi est plutôt sympa. Ouais, ça a pas l'air méga subversif dit comme ça en fait. Ah non, en soi non, on est parfaitement d'accord. Ouais, je suis assez prudent, mesuré, parce que j'aurais bien aimé avoir des camarades avec moi qui puissent m'entendre puis ramener leur grain de sel, mais c'est clair et net que à chaque fois, ben c'est souvent comme le 1er mai dans plein d'autres villes. Enfin, je sais pas pour vous ce que c'est votre ressenti là où vous êtes ou à Paname et quoi, mais c'est sûr que c'est vraiment le rassemblement traditionnel. Ça ressemble presque au merguez de la CGT, sauf que c'est un poil plus alterno. Du coup, ouais, on croise plus de camarades, plus de frics. Il y a cette tradition un peu marseillaise qui est bien ancré, et puis il y a le chanteur même qui vient souvent poser des lyrics par-dessus tout l'après-midi, donc il y a un côté assez caricatural, ouais, effectivement. Et du coup, cette année, comme c'est le bar de la Plaine qui l'organise, cette année, ils ont été pas mal emmerdés par la police, etc. Et du coup, ils ont demandé l'autorisation, comme tous les ans, et là, ils l'ont pas obtenue. Mais ouais, tu peux rester, tu peux peut-être confirmer. La raison invoquée pour le refus d'autorisation, ça a été quoi ? C'est lié au climat de l'état d'urgence ou... Alors, c'est vrai que j'ai pas pensé à vérifier ça avant de vous appeler, et on a juste vu un mot passer en fait chez tout le monde. Toi, tu sais la raison qui a été invoquée pour l'interdiction de la sardinade ? Ouais. Ok. Attends, je te passe quelqu'un d'autre. Oui, bonjour. Donc la sardinade qui s'appelle la sardinade des feignants, en fait, qui est réalisée tous les 1er mai, ils auraient été appelés par la préfecture la veille, pendant le samedi soir, en fait, au moment où on a posé les tables. Et on leur aurait dit, en fait, ils auraient été assimilés aux gens qui ont posé les tables donc la veille. Et la préfecture leur a dit: qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Si vous posez vos sardines, on fait venir les flics. Et il a été pris comme décision d'ensuite de poser la sardinade à la Belle de Mai, à la Friche Belle de Mai. Voilà. La Friche, qui est un petit quartier qui fait partie de la gentrification en fait sur Marseille. Voilà, aussi. La Friche, c'est à la Belle de Mai, et la Friche est un lieu culturel effectivement qui est un poste avancé de la gentrification à Marseille. Plus ou moins artistique et autres, il me semble, si je me rappelle bien. Voilà, à part Radio Galère, mais sinon c'est plutôt artiste avec des tables, un restaurant, des lieux de concert, de spectacle. Et donc ils ont décidé de faire la sardinade à cet endroit-là, voilà, pour pas avoir de problème en fait. Du coup, ça peut avoir l'air très cocasse quand on écoute comme ça, en disant la sardinade, la fête des feignants et tout ça, et ce côté Marseille, Méditerranée et tout. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple au carnaval l'année dernière, il y a traditionnellement tu brûles l'effigie en fin de carnaval, et pareil, il y a eu des violences en fait. Oui, alors oui, c'est deux choses différentes, le carnaval et la sardinade des feignants. Et c'est vrai qu'en 2014, le carnaval avait été attaqué en fin de manifestation. Enfin, c'est pas une manifestation le carnaval, mais quand on brûle le caramontran, et le caramontran c'est tout ce qui nous a déplu pendant l'année. Donc chaque année on trouve un thème. Et en 2014, la police avait attaqué, des gens ont été arrêtés, des personnes emprisonnées. L'année suivante, en 2015, on a réussi à faire un très très beau carnaval avec beaucoup de monde, fort, sans trop de pression policière, on va dire. Et cette année, il y a eu quand même une personne qui a été arrêtée. Voilà. Mais c'est des initiatives légèrement différentes qui ont pour but aussi de faire vivre le quartier de la Plaine, les quartiers de la Plaine et de Noailles. Mais c'est pas exactement les mêmes gens. Voilà. La Sardinade, elle est entre autres organisée par le collectif Tchourmo, qui est proche de Massy à son système. Ok. Mais du coup, pour bien comprendre, en fait, Noailles est niché au cœur de la gentrification de Marseille. Et c'est un vieux quartier populaire. Il est assez petit, d'ailleurs, quand on regarde par rapport à d'autres villes. Mais c'est un vieux quartier populaire qui résiste au cœur même de la gentrification. Tu as la plaine au nord qui surplombe un petit peu Noailles, on va dire. Et le quartier de la Belle de Mai, tout ça, c'est plus à gauche quand t'es dos à la mer. C'est plus au nord. C'est le début de ce qu'on appelle les quartiers nord de Marseille. Ouais. La plaine, sociologiquement, c'est un peu dur, mais c'est un quartier assez mixte. Mais c'est effectivement plus, on va dire, un peu plus riche que le quartier de Noailles. Et Noailles, il y a plusieurs entreprises de gentrification en ce moment qui sont menées, notamment avec la construction d'un hôtel sur l'îlot des Feuillants, aux abords de la Canebière, qui est un hôtel 5 étoiles, je crois, qui était un 4, on va dire 4, et qui a... Donc là, qui est en pleine reconstruction, et on voit, c'est assez violent, puisque là, ils veulent en faire un hôtel en plein milieu en face d'un marché très, très populaire. Voilà. Oui, il y a une question qui me taraude très souvent, en fait, en cette période d'état d'urgence, on va dire, même si les attentats ont l'air assez loin, psychologiquement dans la tête, ont été remplacés par la loi Khomri, tout ça. C'est, en fait, vous, à Marseille, au niveau des luttes que vous menez au quotidien ou en général, enfin, j'imagine que vous êtes impliqué dans des luttes, vous avez senti quelque chose de différent par rapport à l'état d'urgence dans votre manière de lutter ou dans la répression policière ou... Bah, le taux de flics au mètre carré est effectivement plus important, mais ça, c'est comme dans toutes les villes. Après, on a réussi à garder une espèce de dynamique qui est de ne pas annoncer les manifs, de continuer à faire des manifs sauvages, et peut-être même plus fortement qu'auparavant. Enfin, moi, ce que je constate, ça fait 10 ans que je suis à Marseille, je trouve qu'il y a une dynamique peut-être plus resserrée, voilà, plus déterminée, on va dire, depuis l'état d'urgence. C'est un peu ressenti. Hein. Du coup, nous, pour se tenir au courant à peu près sur Paris, en province, excuse-moi du terme, mais dans l'Est de la France, il y a Radio Galère que j'apprécie beaucoup et qu'on peut capter sur Internet. Mm-hmm. Mais j'imagine qu'il y a d'autres sites aussi, si tu peux nous les donner. Il y a Marseille Info Autonome, sur Internet. Il y a aussi Mille Babord, qui est un agenda militant. Et vous pouvez aussi, parce que là il va sortir bientôt, là ce vendredi, le CQFD de ce mois-ci, le mensuel, donc c'est un mensuel papier qui sort vendredi. Et je crois qu'il est consacré aux mobilisations contre la loi El Khomri, il me semble. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qui s'est passé jeudi dernier ou pas du tout? Non, ça va, mais je vais repasser Joris qui touchera peut-être un petit mot là-dessus. Ok, merci à toi. Ouais, dites-moi, ouais, j'ai pas pu prendre un téléphone où il y a un haut-parleur, du coup. Non, y a pas de mal. Joris, tu veux nous dire un mot par rapport à jeudi dernier ou... Ouais, si vous avez le temps, ce que je peux en dire très rapidement, c'est que nous, on a été pas mal, enfin plus ou moins dans une assemblée de lutte là qui a démarré un peu après la grosse manif du 9 mars, qui a démarré un peu ce bout de mouvement là qui est en train de vivre en ce moment. Et du coup, ça a démarré à la faveur d'une assemblée à la fac à laquelle nous ont plus ou moins invité les étudiants, enfin, ou en tout cas on a été nombreux à s'incruster, précaires, chômeurs, enfin salariés, etc., à avoir envie de se retrouver pour parler. Et du coup, de là est née une assemblée qui s'est auto-appelée Assemblée de lutte et qui se réunit 2 fois par semaine et qui est ouverte à tout le monde. On se réunit dehors la plupart du temps, avec dans cette idée que puissent y cohabiter pas mal de tendances différentes. Tout en gardant un truc de modération tournante, d'animation tournante, etc. Donc voilà. Et du coup, dans cette assemblée, il y a eu pas mal de diffs qui ont été faites, des petites actions, mais c'est vrai que ça a mis du temps à apprendre. Et du coup, c'est à la faveur de ce début de coordination là qui a démarré dans les deux dernières semaines, que justement, il y a eu un tract qui a été distribué pendant la manif, qui s'appelait, là je l'ai sous les yeux, le mot d'ordre en haut, c'est « Retrait de la loi travail pour commencer ». Et le titre du tract, c'est « La manif ne s'arrêtera pas à Castellane », qui est l'endroit un peu traditionnel où les manifs elles s'arrêtent à Marseille, sur les manifs de mouvement social, de lutte, etc. Et du coup, l'idée, en gros, c'est de dire que... c'était de dire sans venir reprocher aux gens des trucs d'en haut, mais juste de dire on en a un peu marre de marcher au pas et puis de se faire coincer dans des manifs qui font peu de sens. Et du coup on a essayé de le mot d'ordre a été diffusé assez largement, de tourner à gauche au lieu de tourner à droite pour finir la manif. Et du coup là on s'est retrouvé, les lycéens étaient en tête de lycéens précaires sans étiquette, il y avait un cortège un peu autonome assez important en début de manif qui a attendu du coup la suite de la manif, parce que du coup il y a un gros cordon d'hygiène qui est posé par CGT, FO au milieu où comme à Paris j'ai l'impression, ou comme dans d'autres villes, ils ont posé des services d'ordre qui font vraiment à la corde littéralement quoi, pour bloquer un peu tout ce qui pourrait déborder sur les trottoirs ou ailleurs. Et du coup, ce cortège-là a attendu le reste de la manif, et du coup, on s'est quand même retrouvé à, il ne me semble pas dire une connerie, en disant au moins peut-être 1000, 2000 à tourner à gauche à la fin. Et du coup, il y avait un objectif qui n'avait pas été partagé avec tout le monde pour le garder un peu, secret puis safe. Et du coup, c'était d'aller envahir les rails vers la gare. Du coup, il fallait faire demi-tour, puis du coup, là, direct, quand on a voulu tourner à gauche, il y a eu gros blocage de flics qui ont direct commencé à tirer sur la manif, et il y a eu un moment assez émouvant où, du coup, il y avait beaucoup de minots en première ligne, et tout d'un coup, il y a le camion de Solidaire qui est remonté, et qui est un camion tout rose, qui est assez marrant, et puis qui s'est fait tirer dessus à hauteur de visage à coup de flashball. Donc le pare-brise a été bien fendu, puis il y a un gars qui a pris un coup de flashball dans la gorge, de Sud Collectivité Territoriale. Et la manif a pas, enfin ça a perdu du monde en cours de route parce que c'était assez loin l'objectif, mais en tout cas il y a eu un bon jeu du chat et de la souris, mais il y a un cortège qui est resté de plusieurs centaines de personnes jusque sur les rails, et les rails ont été bloqués pendant 2 heures, et visiblement la gare pendant 5 heures à peu près. Il y a eu des bons retours des cheminots en lutte qui avaient été rencontrés un peu plus tôt dans la semaine. Voilà, je suis peut-être un peu long, mais c'est pas évident de faire le tri. Mais... Merci beaucoup, hein, Joris. T'as une date à nous annoncer, un agenda, un événement ou quoi que ce soit ? Alors là, c'est un peu, ouais, c'est un peu le... je pense qu'il y a eu un bon coup de mou suite à la répression du jeudi, parce que du coup, pour finir là-dessus, il y a eu... Il y a eu notamment 3 personnes qui ont passé le week-end en détention, une qui a refusé la comparution immédiate, 2 autres qui l'ont acceptée. Du coup, il y a eu 5 et 6 mois de prison ferme prononcée sans mandat de dépôt pour envahissement des voies, port d'armes, violence sur agents, etc. Donc il y a eu je pense qu'on n'est pas habitué en fait à ce niveau de répression à Marseille. Je pense que par rapport à celui de Paris, celui que racontent les camarades parisiens, ça paraît pas grand chose. Du coup, il y a eu un bon coup de mou chez tout le monde, donc il n'y a même pas eu de manif aujourd'hui, et je sais qu'il y avait l'assemblée ce soir et une coordination hier auquel j'étais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, il y a les sites que mon camarade vous a cité là tout à l'heure, mars-info.org, 1000babord.org, il y a 13enlutte.fr aussi, 13 en chiffres, où il y aura les prochains rendez-vous d'annoncer, et en gros il y a l'idée notamment de tous les vendredis de 19h à 21h à 1000 babord, de lancer une sorte de permanence de soutien, de rencontres entre précaires, salariés, chômeurs, etc., qui souhaiteraient trouver des tuyaux, échanger, se donner de la force pour faire grève ou lutter à son niveau. Donc ça va être mis en place à partir de vendredi. Et en termes de rendez-vous, de manif, d'action, là c'était un peu, je pense que c'était un peu, les gens, tout le monde était un peu perdu, donc malheureusement, il faudra suivre pour le reste sur les sites qu'on vous a donnés. beaucoup, Joris, à toi et à ton camarade dont je ne connais pas le nom. Ouais. On te remercie beaucoup. On vous souhaite bon courage à Marseille. Ouais. Et voilà, quoi. Bah, merci de votre À bientôt. Bon courage à tout le monde par ici aussi. Et ouais, c'est chouette d'échanger, en tout cas, sur ce qui se passe, quoi. Merci à vous. Ouais, bonne soirée, bonne émission. Ciao. Merci, ciao. Du coup, Yano, tu nous lances une petite pause musicale ? Ouais, carrément, je vais lancer un peu de musique. Je tenais juste à remercier les camarades de Radio Galère et notamment Tiffen, sans qui ce coup de fil n'aurait pas pu avoir lieu. Et vivement que la sardinade puisse se faire à Paris, hein, un de ces quatre aussi. Et big dédicace aussi à Nico qui a passé le week-end en GAV et on attend les suites. C'est quelqu'un qui participe beaucoup à cette émission dans l'ombre. Donc ça fait plaisir. On s'écoute un peu de funk et on revient tout de suite après au fond près du radiateur. On vient de s'écouter Moving World dans l'émission Au fond près du radiateur sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM comme tous les mardis soirs de 19 à 20h30. Bonjour, bonsoir, vous êtes toujours au fond près du radiateur 106.3 FM Fréquence Paris Pluriel et en fin de compte on va pendant une demi-heure essayer de parler de... Puisque paraît-il qu'au Parlement, eh bien, on parle du droit du travail, de remise en question du code du travail, des choses comme ça, eh bien... Eh bien de s'intéresser avec nos deux invités sur la réalité de ce mot « travail » et notamment au ministère du Travail. Et donc c'est un peu la chronique de cette fin d'émission. Alors Qui d'entre vous deux peut commencer, se présenter ? Moi, je veux bien. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Mornia. Je suis contrôleur du travail à l'unité départementale du 75. Et en ce moment, j'aimerais avoir un radiateur au fond de mon bureau, au ministère du Travail, parce qu'il fait bien froid pour les gens comme moi au sein du ministère du Travail. Voilà, donc Tu peux nous expliquer pourquoi il fait alors, froid? Alors, je commence là, ouais. Tout de suite. Alors, il fait froid, en tout cas selon moi, parce que je suis une femme, je suis une syndicaliste, et en plus, je suis d'origine maghrébine. Et on a du mal à composer en ce moment au ministère du Travail, mais je pense que ça date avec des gens comme moi. Et je pense que le contexte, la crise, pour parler de notre ministère, la diminution des effectifs, l'absence de clarté sur l'avenir du ministère du Travail, la réforme du droit du travail, eh ben, ça fait émerger des comportements discriminatoires qui deviennent de plus en plus insupportables. Et moi, en tout cas, qui m'ont conduite à déposer une plainte au pénal pour multiples discriminations, donc raciales, syndicales et sexuelles. Voilà, donc moi, je n'ai pas forcément envie de parler que de moi, parce que ça me gêne. Mais ce que j'aimerais... J'imagine que ça ne t'a pas touché que toi. Et ben voilà, j'aimerais vous dresser quand même un topo, parce que Madame El Khomri, qui est ministre du Travail, elle est aussi notre patronne. Et elle se pavane un peu sur tous les plateaux télé pour nous tenir son discours. Je lutte contre les inégalités. Alors moi, je l'interpelle, j'aimerais bien savoir comment elle lutte contre les inégalités au sein de ses organisations de travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui morflent. Et en tout cas, moi, j'ai été témoin et j'ai porté des situations de femmes d'origine maghrébine qui ont morflé au sein du ministère du Travail. Qui ont morflé, ça veut dire qu'il y en a une qui a été licenciée. Il y en a une autre qui aujourd'hui, par le biais je ne vais pas rentrer dans, parce que je pense que ça va ennuyer tout le monde, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par le biais de comités médicaux, a été exclue des effectifs. Aujourd'hui, elle ne touche plus son salaire et on ne sait pas ce qu'elle devient. Elle est dans la nature. Une autre qui a été contrainte de quitter son service et d'aller à 45 minutes de chez elle parce qu'elle n'en pouvait plus. Et tout ça, Myriam El Khomri, elle s'en fout. Voilà. Donc, en réalité, j'ai envie de communiquer parce que je pense que les gens pensent qu'au ministère, le ministère du Travail, c'est un ministère social, en fait. Qu'il n'y a que des gens bien, des gens qui pensent bien, des gens qui ont la bonne idéologie. Alors, je pense que c'est vrai, par ailleurs. Hein, les gens, ils ont la bonne idéologie. Ils pensent être de gauche. Ils pensent qu'ils traitent les autres avec égalité, mais ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et du coup, concrètement, ça se traduit comment? Alors, concrètement, ça se traduit... Alors là, je vais parler d'abord de mon cas, parce que je le connais mieux, alors ça me gêne un peu, mais en gros, ça se traduit par... je suis une syndicaliste, active. Voilà, hein, donc on ne me file pas la parole dans les instances. Tu vois, je lève la main parce qu'on est, attention, au ministère du Travail, on n'est pas dans le syndicalisme ouvrier, hein. C'est quand même le syndicalisme entre gens bien, qui parlent bien, donc il faut qu'on lève la main, hein. Tout est bien organisé, tout est bien structuré. Et ben moi, on ne me voit pas, quoi. Oui, on verra Mornia, parce que évidemment, on est 7 dans la salle, je suis la seule d'origine maghrébine, on m'appelle par mon prénom, moi. Et puis alors, quand on me donne la parole... finalement, on dit non, mais on va laisser quelqu'un de pour le coup, qui a des choses plus intéressantes à dire. Voilà. Enfin, c'est du mépris. C'est des rumeurs. C'est assimilé à du harcèlement, quelque part. Mais bien sûr. C'est du blocage de rémunération. Là où des gens non racisés... Parce qu'en plus, il y a des problèmes de sémantique au ministère du Travail. On ne peut pas parler, on ne peut pas utiliser les bons mots, parce que sinon on va dans des débats, mais absolument, qui tentent de dévoyer le vrai sujet, quoi. Oui, mais on ne peut pas parler de ça, c'est compliqué, et Marx, il n'a pas dit ça, Trotsky non plus, Lénine non plus, et puis du coup, finalement, on ne sait plus de quoi on parle. Voilà, et comme ça, tout est bien, il y a un équilibre, comme ça, d'apparence, d'affichage, tout va bien. Sauf que l'équilibre, en réalité, il n'existe pas. La réalité du ministère du Travail, c'est... des gens de même origine sociale, des gens pour la majorité de même origine raciale, des gens à la majorité, j'entends, hein, en tout cas pour les postes les plus élevés, plutôt des blancs. Les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi on trouve au ministère du Travail ce qui se passe dans les organisations de travail, c'est-à-dire... le travail, la répartition du travail ethnique, voilà. C'est-à-dire que les blacks, on les retrouve en exécutante, voilà. Et puis alors, ces derniers temps, il s'est passé un truc. Depuis 4-5 ans, on retrouve des gens d'origine maghrébine de plus en plus dans des postes de contrôle. Alors ça a conduit quand même un employeur à appeler les flics lorsqu'un agent de contrôle d'origine maghrébine a contrôlé une structure. Il lui a demandé où est-ce qu'il était né. Il a déposé une plainte contre lui pour usurpation d'identité. Et bien ça, au ministère du Travail, on n'a pas réussi à dire que c'était un contrôle de flic au faciès. Vous voyez, j'étais la seule à le dire dans une instance. Moi, je pensais que la sardinade était cocasse, mais ça, c'est absolument encore plus cocasse. Ah ouais, hein, c'est cocasse. Hein. C'est donc, cocasse. Il y a un inspecteur du travail qui est manifestement d'origine maghrébine, culture ethno-maghrébine, quoi. Voilà, il est d'origine marocaine, pour tout dire. Et l'employeur en question, quand il a vu l'inspecteur débarquer, n'a pas... Il appelle les flics. Il appelle les flics, c'est les flics qui remettent en cause sa légitimité. C'est les flics qui le contrôlent. Non seulement l'employeur appelle les flics, mais en plus la police qui est là présente... Elle ne lui permet pas de faire son taf. Tombe dans l'espèce de piège au faciès qu'il y a. Tu as une tête de maghrébin, donc automatiquement... Non, mais il lui dit, tu es né où ? Il lui a montré sa carte. Il rentre au commissariat de police, et la situation encore plus cocasse, qui démontre bien que c'est clairement un contrôle au faciès, c'est usurpation d'identité. Eh ben moi, Morni à la psy, je dénonce ça. J'imagine que le ministère du Travail l'a dénoncé. Mais pas du tout. Non, le mot racisme, mais même au sein de nos organisations de travail, j'ai dû lutter pour le poser, le mot racisme. C'est-à-dire, ce qui est de notoriété publique dans la société, les contrôles aux faciès, on ne pouvait pas le dire au sein du ministère du Travail. Mais non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les prérogatives de l'inspection du travail. On a demandé à ce que notre administration, elle interpelle le ministère de l'Intérieur, pour dire que c'était un contrôle au faciès, contrôle raciste. Du coup, elle l'a fait ou pas ? Non, elle l'a interpellé, pour dire que c'était pas bien, mais pas pour dire que c'était un contrôle au faciès. Et je peux vous dire qu'on était minoritaire au sein de l'organisation de travail pour poser le mot contrôle au faciès, contrôle raciste. Du coup, t'as une espèce de réflexe corporatiste qui se fait Tout à fait, c'est exactement ça. Je veux dire, je te donne un exemple. Une semaine après cet incident, ça a mis une semaine quand même. Le pote en question, il m'interpelle. Il pleure dans mon bureau. Parce qu'en plus, c'est un mec qui s'habille bien. Tu vois, c'est quand même pas la caricature. Enfin, la caricature, moi, j'ai pas de préjugés. Mmh. Mais dans les yeux de ceux qui discriminent, ou qui ont des stéréotypes, ou les racistes, les vrais, ou les racistes qui s'ignorent, tu vois. Il est plutôt beau gosse, il s'habille bien. Ça a été un choc pour lui. Mais vraiment, je veux dire, on n'était même pas sur les mêmes tendances. Une semaine... Il a tenté, parce qu'il n'osait pas le dire que c'était un contrôle au faciès, que c'était un contrôle raciste. Il m'interpelle, j'en parle à tous mes collègues, mais il fallait voir, quoi. Ces tentatives de muselage, on ne peut pas dire ça, c'est compliqué. Pour faire un tract et le dénoncer, il a fallu négocier, mais franchement, mais à coup de sueur, quoi, pendant deux semaines. Et tu as eu le soutien de certains syndicats ou de syndicalistes ? Je suis une syndicaliste. Oui, comme tu l'as dit. Donc moi, j'ai lutté au sein de mon syndicat. Et il fallait lutter avec les autres syndicats. Donc on sort un tract. Enfin, je veux dire, ça ne mange pas de pain, un tract. Tu dis contrôle au faciès. Et tu vas interpeller l'administration qui, de droit, j'étais la seule de tous les militants qui étaient présents à l'avoir dit. Hé, monsieur le directeur, on s'en fout qu'il soit d'origine maghrébine. Vous devez interpeller qui, de droit, et dénoncer les comportements racistes. Oh, alors là, il y avait un front. On ne peut pas dire ça, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué ? Alors là, quand tu décris ça, c'est dans une réunion publique C'est une réunion publique, face au directeur, avec une intersyndicale. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est juste pour te donner le contexte. C'est super dur, mais même sur les faits les plus communs, je ne veux pas dire que tous les keufs font des contrôles aux faciès, mais c'est de notoriété publique. Je veux dire, il y a des recours, il y a des décisions de justice, il y a des associations, on le sait. Eh ben non, ça, on n'a même pas été en capacité de le dire. Ouais, et coup, après, c'est au sein de nos services. Grosso modo, en fait, le ministère du Travail, qui devrait être une exemplarité totale par rapport au reste de la population et par rapport aux autres secteurs du travail, applique différentes discriminations, qu'elles soient sexistes ou raciales ou autres. Alors, non seulement elles les appliquent, mais en plus, quand les gens sortent du silence, ils leur demandent de se taire. Et alors, t'as toutes les manœuvres que tu peux retrouver dans le privé qui se mettent en branle. Et puis t'as un front, quoi. Il faut que les gens qui sont victimes de discrimination, et particulièrement la discrimination raciale, c'est tabou, omerta. On nous assigne au silence. Vous vous taisez. Ça n'existe pas. C'est dans l'ADN. Ça a été dit en réunion publique. C'est dans l'ADN de lutter contre la discrimination. Et c'est qui a dit ça ? Un directeur. Le directeur du service Île-de-France. D'accord. Mais à sa décharge, il n'est pas le seul à le penser. Une grande majorité des agents, les mêmes qui vont lutter contre la discrimination, sont imprégnés de ça. Sont totalement imprégnés par ce discours, quoi. Et ça, c'est assez flippant. Du coup, je suis désolé de t'écourter un petit peu. T'as raison, vas-y. Mais dans vos dimensions de travail, vous êtes trouvé confronté à différents type de travail, et notamment au travail des ce qu'on appelle traditionnellement des travailleurs sans papier. J'imagine que vous avez quelque chose à dire dessus ou pas. Ouais, bah moi c'est Marie, alors sur les sans-papiers, pour être dans la continuité aussi des luttes de l'immigration, en fait. C'est vrai qu'en ce moment, sur la loi de Khomri, on entend pas mal parler du Code du travail, des droits des salariés, mais il y a une partie dont on entend assez peu parler, c'est la partie du Code du travail qui traite du travail des étrangers. Et en fait, le Code du travail, il contient des droits protecteurs pour les salariés. Il ne faut pas l'idéaliser non plus. Le Code du travail, on le dénonce sur sa partie discriminatoire, quoi. Parce qu'il instaure un droit vraiment particulier pour les étrangers à travers l'autorisation de travail. Et les étrangers ne peuvent pas travailler en France alors que pour tout un chacun, en France, le travail est reconnu comme un droit, même si il n'est pas effectif pour tout le monde, mais on reconnaît qu'il y a un droit au travail, alors que pour les étrangers, ce n'est pas le cas. Il faut quémander une autorisation de travail et qui est super difficile à obtenir, quoi. Et donc, ça, c'est le Code du travail qui l'institue, avec des conditions hyper draconiennes. C'est-à-dire que tout est complètement à la main du patron, en fait. Et en fait, pour obtenir cette autorisation, il faut avoir le bon vouloir du patron. Et donc, il faut, d'une part, avoir un travail qui est payé au SMIC. Donc, même si tu es à temps partiel, il faut que tu sois payé sur le montant du SMIC. En fait, ça exclut tout un paquet de gens des possibilités de régulariser leur situation, quoi, quand on est sans papier. Et ça, les patrons, ils en profitent. Et donc, ces gens-là, ils n'obtiennent pas leur autorisation de travail. Il y a tout un tas d'autres discriminations qui sont instituées aussi par le Code du travail. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, par exemple, de la taxe OFII. Et en fait, c'est une taxe que doit payer l'employeur qui veut embaucher un travailleur étranger. Et elle s'élève environ à 900-950 euros. Sauf que dans les faits, ce n'est pas l'employeur qui la paye, en fait. Elle est répercutée sur le salaire, les premiers salaires de l'étranger, quoi. Du salarié. Donc elle est payée dans un premier temps et après... Il se rembourse sur les salaires, voilà. Ou sur le premier, ou avec un échelonnement. Dans les faits, c'est ça. Et du coup, c'est une taxe vraiment discriminatoire. C'est comme si c'était un ticket d'entrée à la charge du salarié pour avoir le droit de travailler, quoi. Et donc, il y a tout ce genre de discrimination qui sont contenues par le Code du travail. Donc, le Code du travail, c'est des droits. Mais il y a cette voie-là qui est toujours moins entendue, en fait, que, entre guillemets, le droit commun qui s'applique aux Français, quoi. Et qu'on essaye aussi, dans l'intersyndicale, à travers une campagne là qu'on mène depuis plus d'un an, en soutien de collectifs sans papier, de rappeler que bah, tout simplement l'égalité en fait entre qu'on demande l'égalité entre les Français et les étrangers, y compris au niveau du travail. Et que quand il y a 400 000 sans-papiers qui travaillent en France depuis 20 ans, c'est des gens en fait avec ce type de droits discriminatoires qui sont volontairement maintenus dans une situation de clandestinité pour alors leur préjudice évidemment parce que du coup ils sont vraiment très vulnérables quoi. Donc juste un truc au niveau de ça, vous connaissez le nom des entreprises parce que souvent on a parlé de du bâtiment aussi des bateaux, des constructions de bateaux, etc. qui sont ouais, t'as nettoyage, t'as restauration, t'as plusieurs secteurs. Qui sont... Mais je vais te dire, travail à domicile aussi, ouais. Mais la plupart des secteurs de travail en général, bah oui, la livraison, du portage, tout ce qui est pénible, tout ce qui est pénible, tout ce qui est pénible, et tout ce qui a besoin aussi d'avoir un prix de revient moins élevé en fait pour concurrencer. Et puis c'est pas que les petites boîtes un peu un peu caché, hein. C'est, ça profite aussi grosses boîtes, parce que, notamment par le système de la sous-traitance, en fait, parce que ça les arrange bien. Et puis, en fait, tout compte fait, quand on va dans les, sur les chantiers des grosses boîtes, on trouve aussi sympa. On connaît la partie de qui ont pas beaucoup voilà. d'entreprises de sous-traitance et qui privilégient l'emploi d'entreprises de sous-traitance très fragiles, en fait, en général, et qui emploient souvent des sans-papiers pour éviter de les payer, des fois. D'ailleurs, il y a un adage dans le monde des assurances qui déconseille aux petites entreprises du bâtiment de travailler avec Bouygues Immobilier en général. Il y a eu pas mal de luttes de collectifs de sans-papiers depuis pas mal d'années, en fait, et notamment une espèce de pic qui a eu lieu en 2009-2010. Ouais. Mmh. Ouais, et depuis, ça a un petit peu baissé, qui était soutenu par des syndicats, que ce soit la CGT ou que ce soit la CNT ou autre. Et j'imagine que vous avez connu ces moments-là ou... Ouais, il y a eu à ce moment-là quelques régularisations, bah, notamment ça a touché aussi un peu sur... il y a eu des avancées un peu sur notamment les, bah, les travailleuses à domicile, par exemple, tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, il y a eu en fait la gauche qui est arrivée avec la circulaire Valls, qui date de 2012. Et la circulaire Valls, en fait, elle a rajouté, elle a imposé des conditions de formalisme très compliquées à tenir pour les sans-papiers pour obtenir leur régularisation. Et donc, elle a imposé bah, des durées de présence et de travail qui doivent justifier, avec des preuves, mais pas n'importe lesquelles, vraiment des preuves très dictées, c'est-à-dire les fiches de paye, par exemple. Donc, il faut, voilà, si on doit montrer 8 mois de travail, c'est 8 fiches de paye et c'est rien d'autre. Or, ça, c'est à la main des employeurs, quoi. Donc, les patrons qui ne donnent pas de fiches de paye, du coup, déjà, ça pose un problème au niveau de la preuve qu'on était bien en situation de travail. Et puis, il y a surtout un point vraiment qui est complètement décrié par les sans-papiers et qui est le blocage, en fait, aujourd'hui, d'énormément de régularisations, de gens qui rempliraient même les conditions et tout, imposées par la circulaire. C'est un CERFA, quoi, c'est-à-dire le formulaire. Et pour déposer son dossier, les sans-papiers, il doit faire signer ce formulaire, qui est en fait un genre de pré-contrat de travail, à son patron. Et la préfecture ne prend pas s'il n'y a pas ce CERFA. Sauf que le patron, lui, il ne veut pas le signer. Et dès que le sans-papier vient lui demander la signature, ben, il le vire. Et c'est ça qui se passe. Et donc, même ceux qui remplissent les conditions, eh ben, ils sont bloqués sur ce truc du formalisme de la circulaire Valls. Et ils dénoncent tous ce truc-là en disant, et aujourd'hui, c'est la revendication qui est le plus mise en avant par la campagne du collectif là, qu'on soutient au niveau de l'intersyndical, c'est de dire... Il faut arrêter de donner tout ce pouvoir à l'employeur, ce pouvoir de régularisation, c'est maintenir les gens dans la clandestinité, il faut faire sauter ce CERFA. Et le simple fait de la preuve d'une relation de travail, quelqu'un qui travaille pour un autre, doit pouvoir permettre d'entamer une démarche de régularisation, doit pouvoir permettre la régularisation. Mais du coup, là, concrètement, ce que tu dis par la circulaire Valls, en fait, c'est concrètement, on a réussi à conforter des employeurs à utiliser une main-d'œuvre de sans-papiers à bas coût, en compliquant en fait la régularisation de ces mêmes sans-papiers. Alors carrément, et je vais même aller plus loin, c'est voilà. Que par exemple, la circulaire Valls, elle impose par exemple 5 ans de présence avant de déposer son dossier. Ça veut dire quoi, imposer 5 ans de présence 8 mois de fiche de paye? Ça veut dire que tu obliges les gens à rester dans la clandestinité pendant 5 ans. Et que tu maintiens une main-d'œuvre pendant 5 ans qui ne sera pas déclaré, qui n'aura pas de droit, qui ne bénéficiera même pas des reculades générées par El Khomri. C'est-à-dire qu'il ne bénéficiera même pas du Code du travail. Il n'y a aucun droit, exploitation, et c'est les situations qui ont été médiatisées lors de la lutte, par exemple, du 57 Boulevard de Strasbourg, ouais. Avec des salariés qui sont payés... dans le meilleur des cas, c'est-à-dire l'engagement c'était 400 euros par mois à la tâche, donc 100 heures quoi. Et puis dans les faits c'était 200 quoi, tout compte fait. Donc, c'est ça qui existe. Il y a 400 000 salariés en France, c'est ça leur condition de vie quoi, leur condition d'existence. Et donc c'est pourquoi cette campagne, c'est aussi l'idée aussi, c'est de... Parce que tu disais, il y a eu des luttes 2009-2010 et tout, puis depuis, c'est un peu quand même retombé. Il y a peu de choses, il y a peu de... C'est vachement divisé, quoi, le mouvement. Le but de la campagne, c'est aussi de remettre la question à l'ordre du jour, de remettre les luttes à l'ordre du jour. De redynamiser un petit peu tout ça. Et de faire converger, quoi. De faire converger, d'une part, les collectifs, que les gens ils soient organisés, à nouveau, les sans-papiers soient organisés, et puis de montrer, comme on le disait tout à l'heure, que forcément, il y a des convergences avec les luttes sociales qui sont en cours par rapport à El Khomri et tout. Et puis, pour dire vite fait où elle en est la campagne, il y a des revendications, mais évidemment, l'idée, c'est monter un rapport de force. Récemment, peut-être que vous avez entendu parler, il y a eu c'est assez parlant sur les convergences, une occupation pendant 48 heures des services de la Direction Générale du Travail. Donc c'était là où s'écrivait la loi El Khomri, quoi, techniquement en fait. Ça se passait à Javel. Et du coup, nous on intervenait en soutien, mais les collectifs ont occupé pendant 48 heures jusqu'au 31 mars qui était la date de la manif. Et donc, ils voyaient bien qu'il y avait de gros risques de convergence quoi, sur cet endroit qui était symbolique. Et qui est symbolique parce qu'il est la rencontre à la fois des attaques qui sont faites contre tous les salariés et puis, de l'injustice qui est faite aux sans-papiers, quoi. Et donc le 31 mars, on a été expulsé par la police, envoyé par le ministère du Travail à nouveau. Donc dans ses pratiques sociales et le dialogue social, il est balèze aussi. On a réussi à obtenir. C'était une occupation assez exemplaire, quoi, au niveau de l'organisation, de la détermination des sans-papiers qui étaient présents. Et on a réussi à obtenir quand même l'ouverture de négociations. Sur nos revendications, un calendrier de négociation. Donc on n'est pas complètement naïf, on sait qu'il y aura beaucoup d'obstacles et qu'ils ne vont pas lâcher comme ça et que probablement il faudra encore monter le ton et que les choses elles se gagneront. D'ailleurs, de toute façon, pour l'instant, ça n'a avancé que par les actions qu'on a réussi à mener, les occupations et tout. Donc on ne peut pas donner d'infos précises pour l'instant, mais il y aura d'autres choses. Pour accompagner ces négociations, se renseigner sur les sites Habitfel, Démosphère, Paris-Lutte-Info, tout ça, parce qu'il y aura d'autres choses. Et en premier lieu, là, on peut signaler qu'il y a une manif qui est prévue pour vendredi 13 à 16h au départ de République pour aller vers le ministère du Travail, dans 10 jours, quoi. Voilà. À quel endroit le rendez-vous de la manif? C'est à République. D'accord. Du coup, je suis désolé parce que c'est archi intéressant et je pense qu'on a beaucoup de questions, que ce soit moi, Mouloud, ou d'autres. Mais du coup, je pense qu'on serait archi intéressé de vous réinviter dans pas longtemps. Mais il y aura certainement une actualité brûlante à un moment ou un autre. Non, mais pour parler au moins une heure du fonctionnement à peu près, de comment ça se passe au ministère du Travail, de vos l'idée, ce soit que les sans-papiers... Et l'idée, effectivement, ce soit que les sans-papiers, pour le coup, interviennent, qu'on aurait aimé ce soir. Mais Mouloud m'a contacté super tard. Et du coup, on n'a pas pu s'organiser. Non, puis surtout, ils sont eux-mêmes dans leur réunion. Non, mais en plus, c'est eux qui les font vivre. Mais si vous voulez, à la fin de l'émission... Évitez d'être coupable, tu sais. Mais à la fin de l'émission, on se prendra un petit temps et puis on pourra poser ça. Mais du coup, je suis vraiment désolé, je vais vous écourter super vite parce qu'on arrive à la fin. Il y a Scam qui voudrait parler. Vous voulez rajouter juste un petit mot sur ce qui se passe en ce moment par rapport à la loi El Khomri ou pas? Vous n'êtes pas obligé? Okay. C'est difficile ce que tu demandes en une minute. Je vous laisse. Restons mobilisés, quoi. Ouais, et puis convergence. Luttons, convergence des luttes. Mais bon. convergence des luttes, et lutter, c'est pas en restant assis sur une place, quoi. Ouais. On reste assis sur une place, on réfléchit à des actions, et il faut que ça bouge. Parce que la lutte, on peut pas la mener en étant statique. C'est pas possible. Voilà. La lutte, c'est pas que de la réflexion, c'est aussi du mouvement. C'est du mouvement. Ouais. Du collectif, quoi. Exactement. Et de la convergence des luttes, surtout. Du coup, Skam, je vais te laisser te présenter tout seul. Yes. Bah moi, j'arrive avec quelque chose d'un peu plus léger. Quoi. Beaucoup plus léger. Ouais, moi, je suis venu vous parler d'une soirée qui aura lieu jeudi soir au Melting Club. Donc, le Melting Club, c'est un bar, une salle de concert dans le 11e. C'est 56 avenue de la Fontaine au Roi. Donc, dans le 11e, métro Goncourt ou Parmentier. Ouais. Donc voilà, c'est une soirée, c'est Africa Hello, c'est organisé par l'association Kassa Kassa, qui fait des œuvres au Congo, Congo Kinshasa, qui monte un projet agricole qui s'appelle le projet Garvey. Donc c'est pour défricher des terrains là-bas et faire la culture là-bas. Donc, du coup, j'imagine que c'est quelque chose de très proche du Rastafari. Ouais, bien sûr, bah, c'est un concert reggae, hein, reggae dancehall, avec la tête d'affiche et le selecta anglais Chucky Starr, qui revient sur le devant de la scène, hein, qui est en place depuis une vingtaine d'années, et accompagné de Selecta Jabba et de LB Congoyous. Voilà. Donc c'est jeudi soir de 21h à 5h du matin. C'est 10€ en pré-vente et 15 sur place. Et voilà. Et pour les amis montpelliérains, il y aura le même plateau le samedi soir. Alors je suis incapable de vous dire l'endroit à Montpellier. Mais en tout cas, c'est dans le cadre d'un festival qui a lieu vendredi, samedi, dimanche, avec vendredi Black Yoru, samedi donc Chucky Starr, et le dimanche, c'est les Twinkle Brothers. Et le festival s'appelle comment ? Africa Hello. Du coup, on peut retrouver ça sur Internet. Bien sûr, Africa Hello, Chucky Starr, voilà, c'est la 11e édition, jeudi soir, et j'espère vous voir nombreux. Voilà. D'accord. Et toi, en tant qu'artiste ? Moi, en tant qu'artiste, en fait, là, je suis là ce soir pour soutenir mon pote en fait, qui organise ça, qui fait partie de l'association Kassa Kassa. Mais moi, je représente mon collectif de hip-hop qui s'appelle Fumaga. On était venu il y a quelques temps, d'ailleurs, il y a deux mois dans l'émission pour parler d'un de nos concerts. Et nous, bah, écoute, on travaille. On a un projet qui sort mi-juin. Et pour les Parisiens, on fait une soirée projection aussi dans deux semaines au bar Les Tontons Bringueurs, dans le 20e, juste à côté de la maroquinerie, la Bellevilloise. Voilà, projection de clips, de rap indé, d'électro. D'ailleurs, voilà, appel à projet si vous voulez diffuser votre clip. On prend tous les projets. Voilà. Il y a plusieurs potes qui viennent déjà. Il y a Honor qui est déjà passé dans les locaux. Honor, Nils, voilà, Fumaga, Maréchal Wawa et moi, Skam Léon. Voilà. Super. Merci beaucoup à merci toi. Merci à vous. Merci pour l'invite. Grand big non, up, t'inquiète, au fond près du radiateur. Tout le monde est bienvenu. En fait. Yes, I... Un gros big up aussi à ceux qui ne sont pas là et qui ne bougent pas mal dans l'émission, que ce soit Robinson ou Raphaël. Merci ou à Robinson surtout. Exactement. Et surtout à Yano à la technique qui s'est dévoué ce soir pour faire la technique. Merci. Du coup, tu nous lances un petit son musical pour finir ? Ouais, bah ouais, je vais vous lancer le petit son que nous a préparé le camarade ici présent. J'en profite avant de finir en musique pour remercier tout le monde, comme tu l'as fait, pour te remercier aussi, toi, Mustapha, Mouloud, et puis nos camarades qui sont venus parler ce soir qu'on aura le plaisir, j'espère, de réentendre à l'antenne. Je voulais vous rappeler juste avant de finir en musique que nous on a un site internet, c'est www.aufondpresduradiateur.fr. Vous pouvez écouter tous nos podcasts, voir quelques infos liées à nos actualités et puis aussi des liens vers des gens qu'on trouve assez sympathiques et dynamiques. Et surtout, on a une adresse mail où vous pouvez nous contacter et construire cette émission avec nous, c'est participatif. Voilà, si vous avez des sujets, des propositions, des textes, des informations, des contre-informations, des musiques, des critiques, tout ce qui vous semble constructif pour participer à cette émission, n'hésitez pas à nous écrire. C'est au fond près du radiateur, en minuscule, en attaché, sans accent, comme ça se prononce, @no-log.org. Et on va s'écouter un petit morceau de musique qui s'appelle Forever Shawl. Et puis voilà, on aura le plaisir de se retrouver mardi prochain, 19h, 20h30. Et n'oubliez pas qu'il y a une rediffusion aussi le vendredi matin de 7h à 8h30. Et un petit coucou aussi à Radio Galère, que j'aime beaucoup et que j'écoute régulièrement. Et aussi à Radio Cahut, qui est à Lyon aussi, qui est une radio qui est franchement d'enfer et qui passe des choses intéressantes. Voilà. Gros big up à tous ceux qui font de la radio libre et indépendante, en tout cas. On n'en aura pas fini d'en parler. Voilà, bon mardi à tous et restez à l'écoute sur Fréquence Paris Pluriel. Well, this is all about giving thanks and praises, isn't it? Yeah, tell you, man. Believe. Yo, Massey, sing this. Hear this. Hear me sing. I forever shall praise him, Most High. And never will I be alone. For he shall guide me home. The heathen. them a go down to you, me aye, aye. Forever shall praise him, what's aye, aye. Never will I be alone, and he believes he must go down. Welcome here, me song, yes. Long time you tell them righteousness, and you never hear me yet, say me a go change me flex. So me people get to know me must be surely blessed, and that's something when me notice, when me must confess, that anywhere me go, not south, east or west, the people them me tell me, said them make me the best, cause them notice that this town not talk no holiness, and for hear me get to people, them not stop request, and it's all about the aye, aye, forever shall praise him what's aye, and never will I be alone, for he shall guide me home, the heathen them I got them to hear me aye, aye, forever shall praise him what's aye, aye, never will I be alone. And Satan he must go down. Continue me song, that's why me say, cause me song not even half start yet. And me want you listen to the statement that we make. Malachi him we really make me stop and check. Who I get the inspirations from Melchizedek? So me know I just pure right knowledge when we get. With truths and facts and everything's correct. Me have to discipline myself no matter how much me sweat. I try to walk in at the righteous footsteps. And it's all about the aye, aye. Forever shall praise him what's high, and never will I be alone, and he believes he must go down. Well, this is the last verse me want you catch, so no longer will I live and fret, cause me get free overstand and know what to expect, cause them tell me about the plans where Lucifer has set, and prepare me for the destruction when I come yet. The mark of the beast, well, no for them brain for tech, and no for them ear, but never did one for check, yes. So me have left corruptedness, and me only destination is to reach a Kadesh, and it's all about the aye, aye. Forever shall praise him what's high, and never will I be alone, for he shall guide me home. The heathen them a go down to hear me aye, aye. Forever shall praise him what's high, never will I be alone, and he believes he must go down. Welcome hear me song, yes. Long time you tell them righteousness, and you never hear me yet, say me a go change me flex. So me people get to know me must be surely blessed, and that's something where me notice, where me must confess, that anywhere me go, not south, east or west, the people them me tell me say that me are the best, cause them notice say this town not talk no foolishness, and to hear me get to people them not stop request, and it's all about the aye, aye, forever shall praise him what's high, and never will I be alone, for he shall guide me home. Yeah.